Alors, donc cette exposition, c'est une exposition qui est accessible aux adultes et aux adolescents ou adolescentes. Elle est gratuite. Donc c'est une exposition qui a été faite par Céline DeVos et qui est une initiative du collectif Getting the Voice Out qui soutient les luttes à l'intérieur des centres fermés en faisant sortir la voix des personnes détenues. À quelques mètres de l'aéroport international de Bruxelles, le centre de détention pour illégaux 127 bis et le centre de transit Caricol. En Belgique, comme dans tous les États de l'Union européenne, des étrangers jugés illégaux sont enfermés en vue de leur expulsion du territoire. Au bord des pistes, loin de la visibilité médiatique, ces centres ont fait maintes fois l'objet de scandales et pourtant ils fonctionnent mieux que jamais. La détention se fait plus confortable pour mieux plaire, s'étend pour rejeter plus encore. Un aperçu de la machine à expulser européenne, de ces lieux où hommes et femmes passent, stagnent, tournent en rond. Des vies suspendues, livrées à une administration aveugle et inhumaine, coupées du monde, leur voix parle d'injustice, de désespoir et même de folie. Donc en fait, question pratique, vous avez une visite, des visites guidées qui sont faites avec l'artiste, donc qui s'appelle Céline DeVos. Alors, l'exposition est ouverte le jeudi et le vendredi de 10h à 11h30, c'est des groupes scolaires et associatifs. Le samedi et le dimanche, elle est ouverte de 14h à 16h pour tout public sur inscription. Et elle est en accès libre le jeudi et le vendredi de 9h à 16h30. Alors faites attention parce qu'il y a une jauge maximum de 20 personnes. Alors c'est gratuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'avoir un CST pour voir l'exposition, mais le port du masque est obligatoire. Pour inscription, il faut téléphoner au 02 280 28 98 ou envoyer un mail à accueil-gare en un seul mot @maison-de-la-création en un seul mot .org. Pour compléter cette expo, on va maintenant écouter un fichier audio du teaser de l'expo et aussi des témoignages de Getting the Voice Out, donc des gens qui témoignent de centres fermés, plutôt un gars qui était là en mois d'octobre 2021. De par leur statut de sans-papiers, ils sont déjà démunis, affaiblis, très vulnérables. Alors, les enfermer, c'est. On ne comprend pas jusque-là. Les gens, avec le statut de sans-papiers, on est presque des prisonniers en bilan. Voilà, on se balade, on rase les murs, on est là. Et pour gérer le quotidien, c'est déjà calvaire. Je vais demander l'asile aujourd'hui sur le sans-papiers de demain. Donc voilà, au lieu que les politiques puissent trouver des solutions durables pour nous qui sommes là, alors c'est une politique de déportation. Arrêter quelqu'un chez lui, arrêter quelqu'un parce qu'il a manifesté, c'est un droit. Vous pensez que la Belgique ou bien l'Europe, c'était le continent qui faisait les chantres des droits humains. Hallo. Guten Tag. Ich bin mit meinem Kollegen hier. Okay, danke schön. Moment. Ja. Parfait. Oh, ça c'est leur problème. Hein. Moi, je ne me mets pas dedans. Ils ont des droits. Donc, leurs droits, changer les. Bloc, charger notre société, ça c'est leur problème, moi ça m'intéresse. Ils ont changé d'un côté à un autre côté. Tout le monde. Il faut faire tout ce qu'ils veulent. Mais oui. Moi j'ai habité à Espagne, c'est pas ici, c'est VRC. Vous voyez mes gardes dans les centres fermés ici. Pourquoi? Quels qu'ils sont. Ils disent non, on va ta décision de bouger. Moi j'ai dit c'est Bruxelles qui a dit que ce ne doit pas rester. Dans centre fermé. Mais pourquoi vous me gardez ici? Ça, c'est quoi ça là? Moi, je ne connais pas la loi qu'elle a déjà fait. Ce n'est pas la loi de Belgique qui l'a dit ça. C'est elle qui s'en apprend les propres lois comme ça. Elle est pour sa vingtaine. C'est elle qui s'en apprend les propres lois. Migration, sa vingtaine, qui l'a fait tout ça là. Ça, ce n'est pas normal. C'est ça que la loi qu'elle fait les propres lois. Ce n'est pas la loi de Belgique, ça. Ce n'est pas la Belgique qui fait ça. C'est les propres lois qui sont faites à l'immigration à sa vingtaine. Moi, je n'ai pas cette violence. Ce n'est pas chez moi, ce n'est pas de force, ce n'est pas l'argent à payer à avocat. J'ai perdu mon argent avec elle. Ils vont me mener à Afrique aussi. C'est elle qui sont les pouvoirs. Personne qui sont les pouvoirs de Bruxelles. C'est elle qui sont les pouvoirs. C'est ça qu'ils sont à montrer les migrants, qu'elles qui sont les pouvoirs à Bruxelles. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Il n'y a pas deux gouvernements dans un pays. C'est un gouvernement qui est là dans un pays. Cette décision du gouvernement des pays, c'est la décision de l'Union européenne. Et elle ne peut pas faire les propres décisions dehors de l'Union européenne. Ce n'est pas possible. Ça va être, les migrations, ça va être, ils nous font souffrir. On est notre droit. Ils veulent faire violation de notre droit comme on est un pays dictateur. Ce n'est pas normal, ça. Belgique, ce n'est pas un pays dictateur. C'est eux qui sont les dictateurs. C'est ça qui fait ça, c'est eux qui sont les dictateurs. Mais ça, c'est quoi ça? Sous, il m'a dit, il faut libérer Michel. Il n'a pas le droit de rester dans le centre. Vous, on va me prendre pour me garder. C'est aller le jour, Sous, il m'a dit, il faut libérer cette Michel. Il faut libérer. Pourquoi il va me garder ici, avec mon résidence espagnol? Moi, je vais aller en Espagne. C'est le droit de quitter le territoire belge, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est fatigué de cette loi qu'ils ont fait pour nous, que ce n'est pas la loi que l'Union européenne a votée. Il m'a mené autre centre encore ici, pourquoi? Je suis là dans le centre maintenant, il m'a mené un centre ici, après les libérations des juges. Donc ce n'est pas les juges qu'ils regardent encore. Ils regardent les propres lois. Ça, ce n'est pas normal, ça. On a dans un pays de la loi. Belgique, c'est un pays, ce n'est pas deux pays. Les juges, ils m'ont libéré. Ce n'est pas eux qui vont me garder encore ici. Moi, je ne sais pas ce que pourquoi ils vont me garder ici. C'est Neymar. C'est normal, l'immigration répond de sa vingtaine, ils sont allés faire violation de la loi dans le monde entier. Ce n'est pas seulement Europe, dans le monde entier. Mon avocat il a fait appel, les juges m'ont convoqué. Dans une semaine, ce n'est qu'à passer le palais. C'était le premier. Le premier, je dois passer le palais. Avant le premier encore, ils sont venus le 30, la nuit, pour me prendre le centre, pour mener à l'aéroport. Et ce n'est qu'à partir. Moi, je dis que c'est par pas. Demain, je dois aller voir les juges. Ce que les juges disent, c'est ça que moi, je vais suivre. Ils disent non. Ce n'est qu'à partir. Moi, je dis que c'est par pas. Ils ont commencé à m'escorcher. Ils me tassent les pieds. Ils me prennent avec les scotch pour me tasser. Ils me mènent à l'avion. Ils m'amènent dans l'avion maintenant pour donner la sécurité à l'avion et une canne de mélodie. Quand j'ai entré à l'avion maintenant, j'ai commencé à parler. Il s'est né carte de séjour espagnol. C'est 5 ans. Depuis 22 ans, c'est vite Espagne. C'est mon carte de séjour espagnol. C'est travaillé en Espagne. À cause du travail, j'ai venu ici. J'ai trouvé un problème. Il m'a amené en prison. C'est fini mon prison. Les juges, ils m'ont libéré. Ils s'est quitté le territoire. Et c'est ça qu'ils vont me faire forcer pour me mener à l'aéroport. Moi, je ne comprends pas. Là, tous les passagers de vol, ils sont révoltés pour moi. Ils sont soulevés pour crier « Libérez, libérez, libérez, libérez !» Il a son résidence espagnole, permanent, 5 ans. Il ne peut pas partir en Afrique comme ça. Tous les passagers d'avion, ils sont mobilisés pour moi, pour crier dans l'avion. L'avion, il ne bouge pas ici, si Michel, il n'est pas descend. Michel, il ne doit pas partir en Afrique. Il a son papier espagnol. Espagne aussi, c'est l'Union européenne. Espagne aussi, c'est l'Union européenne. Il doit aller en Espagne. Il est résident espagnol. Voilà. Quand les passagers sont criés comme ça, ils sont venus me descendre en avion. Là, il m'a dit que, il y a un monsieur, il m'a dit que, toi, tu n'es pas de force ici. C'est nous qui avons de force. Moi, je dis oui, mais c'est la loi qui est de force. Vous, il n'est pas de force. Moi, ce n'est pas de force. C'est la loi qui est de force. On vous invite d'aller de toute façon à cette expo, parce que là, il y aura plusieurs audios aussi de personnes qui témoignent, qui sont enfermées dans le centre fermé. Et aussi sur le site web même de gettingthevoiceout.org, vous pouvez aussi trouver des témoignages surtout écrits, mais quelques-unes aussi en audio. Ben, maintenant, on allait commencer à parler de la campagne In My Name. Mais avant ça, on voulait aussi laisser entendre une vidéo faite par la campagne In My Name pour expliquer qu'est-ce que c'est. La manière dont le gouvernement traite les personnes sans papiers est insupportable et inadmissible. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Une proposition de loi citoyenne existe. Elle détermine des critères clairs, justes et permanents pour la régularisation des personnes sans papiers. Il ne reste plus qu'à ce qu'on soit nombreux et nombreuses à signer cette proposition de loi. Si nous récoltons 25 000 signatures, notre loi est automatiquement débattue au Parlement fédéral. Ça fait des années que les collectifs de sans-papiers interpellent les politiques par plusieurs moyens possibles. On sort tout juste de 60 jours de grève de la faim où on a frôlé la mort de plusieurs personnes. Pourtant, malgré un accord, la grève de la faim s'est soldée par la trahison violente du secrétaire d'État à l'asile et à la migration et le silence du gouvernement. Depuis des années, on a organisé des manifestations qui ont rassemblé des milliers de citoyens. Et on s'est rassemblé devant les sièges des partis. On a occupé des bâtiments vides pour loger des personnes et des familles. Récemment, la campagne We Are Belgium Too a récolté plus de 46 000 signatures de citoyens. La pression politique est plus forte que jamais. Pourtant, le gouvernement reste sourd et refuse de régulariser les sans-papiers. Actuellement, la législation permet au secrétaire d'État à l'asile et à la migration d'élire arbitrairement des personnes qui peuvent bénéficier d'un titre de séjour. Autrement dit, il n'existe aujourd'hui aucun critère d'analyse clair inscrit dans la loi pour permettre d'évaluer les dossiers. Une proposition de loi citoyenne, c'est un mécanisme qui permet de déposer notre propre projet de loi directement au Parlement fédéral. Si nous récoltons 25 000 signatures avant le 17 mai, notre proposition de loi sera débattue au Parlement fédéral. Nous sommes vos voisins et vos collègues. On habite ici, on travaille ici. Nos enfants vont à l'école ici, nous nous occupons de vos aînés, de vos enfants et on a construit des liens solides entre nous. On travaille tous les jours sans protection sociale, dans des jobs en pénurie, à la merci des patrons qui nous exploitent. On ne peut plus accepter l'inaction du gouvernement. Alors devenez l'une des 25 000 personnes porteuses d'un projet de loi pour la régularisation des personnes sans papier. Voilà, donc ce projet, cette campagne de In My Name a été lancée ce mercredi. Donc, comme on dit, pour y parvenir, ils doivent récolter un total de 25 000 signatures de Belges. Et l'opération est avant tout symbolique. En appui à ce lancement de campagne, il y aura le 18 décembre, puisque c'est la journée internationale des migrants et des migrantes, le 18 décembre. Donc, il s'agit d'une occasion. Ils vont avoir l'occasion pour casser les préjugés sur les personnes sans papier et exiger la dignité pour tous et toutes. Alors, donc, il y a un rassemblement qui est prévu autour de concerts et de prises de parole. Et ce rassemblement aura lieu au Mont des Arts à partir de 16h. Donc, il s'agit, donc, après 60 jours de grève de la faim, les manifestations rassemblant des milliers de citoyens dans la rue, la pétition We Are Belgium Too, récoltant 50 000 signatures grâce au travail de la coordination des sans-papiers de Belgique, le gouvernement reste silencieux. Le sort des personnes sans-papiers est un débat qui doit être national et non dans les mains d'un seul homme. Si les décideurs et décideuses politiques ne prennent pas leurs responsabilités, nous, citoyennes et citoyens, déposerons notre proposition de loi pour exiger des critères clairs, justes et permanents pour la régularisation de toutes les personnes sans-papiers. Si nous récoltons la signature officielle de 25 000 citoyens et citoyennes, notre proposition de loi sera automatiquement déposée au Parlement. Alors rassemblons-nous pour montrer que nous irons jusqu'aux portes du Parlement fédéral. Nous refusons que des personnes qui vivent et travaillent en Belgique depuis des années soient forcées de vivre dans la clandestinité. Alors rencontrons-nous pour organiser un mouvement citoyen et sans papier capable de casser les préjugés et d'inverser la tendance politique. Alors au programme, il y aura donc une prise de parole avec des témoignages, il y aura des concerts, il y aura des boissons chaudes, et alors il est marqué qu'il y aura aussi un stand pour pouvoir signer cette proposition. Et alors, si vous voulez la signer, vous pouvez aller sur le site de www.inmyname.be. Là, vous avez la possibilité de pouvoir signer directement à la Chambre, mais il faut avoir un lecteur de carte d'identité.

Frontex. L'Europe de Frontex. L'Europe de Frontex. Ben, bonjour Stéphanie. On t'a demandé pour parler de la campagne Abolish Frontex, mais aussi pour annoncer l'action qui a lieu aussi ce samedi 18 décembre. Si tu veux bien nous expliquer d'où vient cette campagne et pourquoi vous, avec Agir pour la paix, vous êtes membre là-dedans. Ok, on va commencer par le début. Donc la campagne Abolish Frontex est née en juin de cette année, donc c'est pas encore très très vieux. Et c'est une campagne et à la fois c'est un réseau décentralisé et autonome de groupes, d'organisations, de personnes. Enfin c'est très multiple. Dont l'objectif n'est pas de réformer ou d'améliorer Frontex, mais plutôt de demander son abolition et la fin du régime frontalier européen, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les systèmes d'expulsion, demander une régularisation des personnes sans papier, arrêter les centres fermés, arrêter la militarisation des frontières, tout ce qui va avec, tout ce qui fait le régime frontalier de l'Union européenne. Et donc la campagne s'articule effectivement autour du nom Abolish Frontex, parce que Frontex est quand même l'agence européenne dont le nom est sans doute le plus connu quand on parle de politique migratoire européenne, tristement connu. Et c'est une petite armée européenne pour le moment, parce que l'agence Frontex a eu du pouvoir de plus en plus au fil du temps, et du pouvoir et de l'argent. Donc elle a un budget absolument énorme, le plus gros budget de toutes les agences européennes. Et avec ce budget, elle peut faire plein de choses, et notamment engager du personnel qu'elle forme, qui sont des gardes-frontières et des gardes-côtes européens. Et elle peut aussi les armer. Elle peut acheter du matériel de surveillance, des bateaux, des hélicoptères, des drones, des avions, etc. Mais elle peut aussi armer son propre personnel. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Et donc, à ce stade-ci, la tragédie humaine que l'on voit tous les jours aux frontières extérieures de l'Union européenne, il nous semble qu'il était important de passer à quelque chose qui ne soit pas des demandes. Nous ne demandons pas quelque chose aux autorités politiques, nous faisons de la résistance et nous faisons des actions qui vont dans le sens de notre vision des choses, qui est l'antiracisme, la justice sociale, l'égalité, la liberté de circulation, etc. Mais nous ne demandons rien au pouvoir politique parce qu'on est très conscient que finalement leur pouvoir vient de nous et qu'il est important, par contre, que ces idées-là se diffusent dans la société, qu'elles se diffusent, qu'elles soient dites, que ce ne soit pas honteux de dire que le régime frontalier de l'Europe est une honte. Ça, par contre, c'est vrai. On doit pouvoir parler de l'Europe forteresse, on doit pouvoir dire que la liberté de circulation est la seule option possible, humaine et digne, celle qui respecte les droits humains, c'est la seule possibilité. Et nous ne devons pas baisser les yeux en le faisant, nous devons être particulièrement fiers de penser et d'agir pour un monde qui soit différent et pour une Europe qui soit différente. Moi, je suis européenne, mes papiers sont belges parce que j'ai des papiers, c'est une honte absolue, quoi. Les décisions qui sont prises lors des sommets européens, entre autres, comme il y en a pour le moment à Bruxelles, pour 3 jours, ne se font pas en mon nom. Et je suis certaine qu'elles ne se font pas dans le nom de plein d'autres personnes. Et il faut qu'on puisse le dire, c'est important. Et vous avez créé un collectif autour de cette campagne ici à Bruxelles, ou est-ce que c'est dans le cadre d'Agir pour la paix que ça organise? Agir pour la paix, donc c'est pas une campagne d'Agir pour la paix, c'est une campagne auquel participe Agir pour la paix, comme plus d'une centaine d'organisations, de groupes formels, informels, de personnes, voilà. Il y a toute une liste sur le site internet d'Abolish Frontex qui peut être consultée. Donc des groupes et des personnes qui viennent d'un peu partout en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe, et c'est important de le savoir, parce qu'il y a aussi un certain nombre de personnes en migration qui s'organisent en dehors de l'Europe et qui nous ont rejoints, et on en est très fiers. Et donc, Agir pour la paix, c'est partie de cette campagne, et c'est très logique pour nous, puisque nous avions dans nos dans nos préoccupations et dans nos actions depuis longtemps la question du commerce de l'armement. Et évidemment, la question de Frontex est vraiment très intimement liée à la question du commerce de l'armement. Et lier ça avec la migration, c'est quelque chose que l'on fait déjà avec le lobby tour depuis des années. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose de plus large qu'un lobby tour, mais qui soit une réelle campagne avec l'ampleur d'une campagne. Et voilà pourquoi nous avons rejoint Abolish Frontex. Et nous invitons les autres personnes et les autres groupes à rejoindre la campagne internationale, mais aussi, pourquoi pas, éventuellement, à nous rejoindre nous, puisqu'il y a effectivement un groupe Abolish Frontex Belgique qui existe, qui fonctionne depuis quelques mois. Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de la campagne et dans le chemin que nous voulons faire ensemble. Et donc nous proposons des actions lors de moments que nous avons décidés ou lors de moments que la campagne a décidé. Et effectivement, samedi, vous l'avez dit, c'est la Journée internationale des migrants, donc c'est une date symbolique importante. Et il y a un appel de la campagne Abolish Frontex pour qu'il y ait des actions un peu partout, dans différents pays, dans différentes villes, l'utilisation des grandes actions, des actions de toutes sortes. Et donc, nous proposons un tour guidé avec de la musique, avec une chorale, avec fanfare, avec la samba, avec des lectures, avec des personnes, des comédiens et comédiennes. Ce sera un tour haut en couleur de plusieurs endroits dans Bruxelles. Nous allons partir du quartier européen et nous allons terminer au Mont des Arts. Et donc ces endroits sont des endroits qui sont des endroits symboliques de la politique migratoire européenne. Il y aura la Commission européenne, il y aura Frontex, le bureau de Frontex à Bruxelles, il y aura un certain nombre d'ambassades, il y aura une entreprise d'armement européenne. Voilà, et donc nous allons raconter la politique migratoire européenne dans ce qu'elle a de pire, certainement, à travers ce tour, non pas touristique, mais militant, certainement. Et nous terminerons effectivement au Mont des Arts, et c'est important, parce que nous allons rejoindre l'événement de la campagne In My Name, dont vous avez parlé juste avant. Et pour nous, c'est super important, parce que ça fait le lien entre le niveau européen et le niveau national, en termes de politique migratoire. Et dans les revendications de la campagne Abolish Frontex, il y a la régularisation de toutes les personnes qui se trouvent sur le sol européen déjà. Donc ça fait totalement sens et on est très heureux de pouvoir amener les participants à ce tour vers la campagne In My Name. Ok, juste encore une autre question. Tu dis qu'ici en Belgique, ça existe depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous avez déjà faites ? Il y a eu des actions pour le lancement de la campagne, notamment début juin, et qui ont été à Bruxelles. L'action a été faite par un groupe autonome qui a envoyé les images de son action le matin. Donc il s'agissait d'aller rendre visible, voire très visible, la façade du bureau de Frontex à Bruxelles. Le nom de l'agence européenne est très connu, mais par contre l'endroit où elle se trouve à Bruxelles l'était beaucoup moins, voire pas du tout. Ça les arrangeait bien d'ailleurs de ne pas être visible. Donc il y a eu de la peinture, il y a eu des choses de coller sur les vitres et sur la façade. Il y a eu des affiches très explicites sur la fonction meurtrière de l'agence Frontex. Voilà, et ça n'a pas manifestement plu beaucoup au directeur de Frontex qui a envoyé un mail qui a été rendu public il y a quelques semaines, un mail à la vice-présidence de la Commission européenne notamment et à la commissaire en charge de la migration au niveau européen. Dans ce mail, il reprochait très explicitement à la Commission de ne pas soutenir suffisamment Frontex, que c'était de la faute de la Commission ce qui était arrivé, et que cette campagne de hate speech, comme c'était dit, le mail étant écrit en anglais, le hate speech c'est vraiment de campagne de haine, et c'est vraiment, ce sont les mots qu'on utilise en général pour désigner l'extrême droite. Hein. Donc, et les mots qu'il utilise sont vraiment très très forts en disant à ses employés, mais nous allons résister, nous survivrons, enfin voilà, c'était la guerre est déclarée. Il y a eu également une action devant le bureau de Frontex aux Canaries, du même style. Ce sont des choses qui font réagir le directeur de Frontex, qui n'est pas du tout habitué à réagir à ce type d'action. Et donc c'est intéressant de voir qu'en fait l'action directe et le fait de visibiliser à la fois le bureau de Frontex, mais il y a plein d'autres endroits, et à Bruxelles on ne manque malheureusement pas d'endroits à pointer du doigt lorsque l'on veut, c'est, ils n'aiment pas ça, ils vivent dans l'ombre et ils se plaisent bien dans l'ombre. Et donc une des choses que l'on doit faire, je pense, c'est vraiment, et ça appartient à chacun d'entre nous, ça n'appartient pas à Agir pour la paix ou à la campagne Abolish Frontex tout seul, mais vraiment à chacun d'entre nous, c'est important, c'est d'aller marquer le fait qu'ils sont là, qu'on sait qu'ils sont là et qu'on ne les laissera pas tranquilles. Alors il y a plein de choses à faire, hein. On n'est pas obligé d'aller mettre de la peinture rouge sur les trottoirs ou sur les façades. On peut aller déposer des bougies, on peut aller faire des choses publiques sur le trottoir devant ces bâtiments, on peut... Il faut être créatif, mais il y a plein de choses à faire qui sont de l'ordre d'être accessible à tout le monde. Mais vraiment, il faut marquer que notre visibilité, et c'est vrai qu'au niveau européen, c'est difficile. Pour beaucoup de villes ou de pays, c'est plus difficile que nous, en fait, puisque nous avons les institutions européennes ici à Bruxelles, mais nous n'avons pas beaucoup, en fait, d'actions qui se passent au niveau européen. Nous avons beaucoup d'attention, nous avons plus facilement d'attention au niveau national que sur le niveau européen. Or, c'est absolument important de l'avoir parce que les deux sont liés et parce qu'une partie des décisions qui sont appliquées au niveau national en termes de migration proviennent du niveau européen. Donc ça ne tombe pas du ciel. Donc évidemment, bien sûr, les États membres de l'Union européenne ont encore une certaine liberté en termes de décision, de la façon dont ils appliquent certaines choses. Mais certainement pas toute la liberté. Et donc, une partie des choses viennent des ordres européens. Donc, c'est important de lier les deux et c'est surtout important de ne pas faire de division entre les personnes en migration qui sont encore de l'autre côté de la Méditerranée, celles qui ont déjà perdu la vie et celles qui sont ici, qui ont réussi à arriver jusqu'ici et qui essayent de vivre dignement et d'avoir des papiers. C'est la même histoire. Ben donc, ce samedi, on invite tout le monde à aller faire le lobby tour, ouais. Animé alors. C'est pas un lobby tour, hein. C'est un tour guidé. Oui, mais avec des cibles. Avec okay. Des cibles et avec ouais. De l'animation, des choses artistiques. Il y aura des surprises, il y aura une balade de résistance. Et ça, c'est ça qui est important. Ça, le message que l'on porte, c'est avec une pensée énorme pour à la fois pour toutes les personnes qui sont concernées, évidemment toutes les personnes en migration, mais une pensée peut-être un peu plus particulière pour les personnes qui sont en Libye aujourd'hui et qui campent devant les bâtiments des Nations Unies, de l'UNHCR depuis deux mois déjà, après avoir été persécutées et détenues pour une partie d'entre elles dans les centres de détention libyens. Les centres de détention libyens, on sait ce qui s'y passe, hein. Et une pensée particulière aussi pour les personnes qui sont coincées à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, voilà, qui meurent de froid, de faim, de déshydratation et dans le déni absolu de l'Union européenne. Voilà. Donc on peut penser à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes et à beaucoup de situations. Et, voilà. Mais celles-là, évidemment, elles font l'actualité beaucoup trop peu à nos yeux. Et donc ça veut dire qu'au moment où on parle, il y a des gens qui meurent en fait à ces frontières, encore aujourd'hui. Donc c'est absolument pas acceptable, peu importe la façon dont on tourne les phrases, aussi jolie soit-elle, ce n'est pas acceptable. Et le rassemblement aura lieu à 13h30, c'est ça? Oui, le rassemblement aura lieu à 13h30 sur le rond-point Schuman. On ne partira pas à 13h30 parce qu'on doute bien que ça va prendre un petit temps que tout le monde arrive jusqu'au rond-point Schuman. Mais il y aura déjà de l'animation et une fois que le groupe est constitué, on est parti jusqu'au Mont des Arts. Donc on devrait arriver vers 16h30. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui vont participer, c'est ouvert aux adultes, aux enfants, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais il faut penser à être habillé pour la météo qu'il fera samedi. parce qu'on est quand même au mois de décembre. Ok. Oui, et pendant quelques heures en route. Okay. Bon, on se tiendra chaud, mais ça quand même. Oui. Alors, juste une dernière question. Tu disais que ce n'est pas un lobby tour, mais est-ce qu'il y a un lobby tour armement Frontex encore prévu déjà pour l'année prochaine? Tu as déjà une date? Je n'ai pas la date. Non, je n'ai pas encore la date, mais ce sera au printemps. Ouais, ok. Et donc, le prochain sera au printemps. Ouais, les gens qui sont intéressés peuvent aller voir ça sur le site Agir pour la paix. Ils sont toujours annoncés sur le site d'Agir pour la paix ou sur la page Facebook d'Agir pour la paix, toujours. Okay. Donc voilà. Mais ici c'est encore un peu tôt. Nous n'avons pas encore prévu de date

c'est facile, on peut donner... Bonjour, bienvenue. On peut donner 1 million de chiffres, de toute façon, personne n'est là. Tiens, donc je vais vous en donner quelques-uns, mais c'est pas pour que vous les reteniez, c'est juste parce que vous allez garder un ordre de grandeur, c'est tout. D'abord, quand on parle d'armement, ici, on va parler d'armes conventionnelles, ok. Et c'est ce qu'on appelle le secteur sécurité-défense. Donc ça veut dire que par armes conventionnelles, ça veut dire que c'est ce qui est autorisé par les traités internationaux. Donc on ne va pas parler d'armes chimiques, bactériologiques, ce genre de choses. Ça ne fait pas partie de l'armement au terme, au sens où on emploie ce terme pendant le monde. C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle le secteur sécurité-défense, parce que l'armement, ce n'est pas juste des armes telles qu'on peut les imaginer, mitraillettes, pistolets, enfin bref, ce genre de choses. C'est ça, mais c'est ça aussi. Donc c'est ça et toutes les munitions qu'on va mettre, mais c'est aussi des radars, des satellites, des clôtures, des barbelés, des systèmes de détecteurs thermiques qui sont aux frontières, des systèmes, enfin bref, c'est un catalogue absolument énorme. Ça va jusqu'à des bateaux de guerre, des armes nucléaires qui sont, elles, autorisées pour les pays qui sont légalement autorisés par le droit international à en avoir. Donc, ce n'est pas le cas de la Belgique, par exemple. Voilà, ils sont quand même sur notre territoire, mais bon, voilà. Voilà, c'est très très large comme catalogue. Hein. Mais on appelle ça donc le secteur sécurité-défense, souvent traduit par armement. Et donc, juste avoir en tête que ce n'est pas juste des armes. Ok ? Donc, juste un chiffre. Les dépenses militaires mondiales 2018 s'élevaient, vous savez à combien elles s'élevaient, j'ai envie de vous en donner. Les dépenses, donc chaque année, le CIPRI, qui est un institut suédois d'études du commerce des armes, fait un bilan et rend public donc un bilan sur l'état du monde concernant le commerce des armes. Très intéressant. Et donc chaque année, il y a plein de chiffres, plein de graphiques, plein de choses, mais il y en a un qui intéresse en général tout le monde, c'est de savoir combien le monde a dépensé en termes d'armement pour 2 années précédentes. Parce que j'entends dans le bilan, c'est 2 années précédentes. Donc les derniers chiffres que moi j'avais notés, c'était 2018, et donc j'en suis à 1980 milliards de dollars. Ce qui est quand même pas mal, hein, avouez. Quand même, voilà, un chiffre qui est quand même intéressant. Alors, pour l'Union européenne, elle exporte de l'armement. Donc, et là, on parle de l'exportation en dehors de l'Union, des pays de l'Union européenne. On peut vendre, les pays de l'Union européenne peuvent vendre à d'autres pays de l'Union européenne, dans l'Union européenne, ça c'est une chose. Mais il y a aussi, évidemment, ce qui nous intéresse en général un peu plus, c'est la vente d'armes en dehors des pays européens. Et on parle d'un de 1,5% du PIB de l'Union européenne. Ce qui est beaucoup, en fait, en réalité. Ça vous dit, ouais, 1,5%, c'est pas grand-chose. Donc si demain, on arrêtait théoriquement de vendre des armes en dehors de l'Union européenne, finalement, on ne perdrait pas grand-chose. Mais si, en réalité, c'est beaucoup. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors, le budget de l'Union européenne pour 2020, c'est à peu près 153 milliards d'euros. On parle de 6 milliards, 150 millions, c'est très approximatif. Je peux vous expliquer, très brièvement, pour que vous sachiez que ça existe. Quand l'Union européenne, quand les pays membres de l'Union européenne vendent des armes en dehors de l'Union européenne, il y a un règlement qui s'appelle Position commune de l'Union européenne sur la vente d'armes. Je ne vais pas vous le détailler, il fait quelques pages, c'est pas très long à lire, mais c'est assez intéressant et ça dit des choses très intéressantes comme le pays auquel on vend doit respecter les droits humains, par exemple. La Belgique, pour ne parler que d'elle, vend des armes à l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'ils respectent parfaitement les droits humains. Bon voilà, ceci dit, il n'y a pas que la Belgique, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, on est totalement d'accord sur le sujet, mais c'est pour vous dire qu'on a mis des critères, mais les critères sont quand même très relatifs. Alors, Saint-Lobitour sur l'armement, tout fait le lien avec la politique migratoire européenne. Alors, en termes de politique migratoire européenne, on va parler de différentes choses, mais on va parler aussi d'une agence dont le nom est bien connu qui s'appelle Frontex. J'imagine bien que tout le monde a entendu ce nom à un moment ou lu ce nom à un moment ou à un autre. Frontex, c'est quoi ? C'est l'Agence européenne de défense des frontières, de protection des frontières. Ouais, alors exactement, c'est une agence européenne, d'accord ? Qui est chargée de surveiller les frontières, je pense, c'est ça le terme. Ouais, mais c'est plus complexe, mais c'est une agence européenne, donc elle fait bien partie du système européen, il faut bien comprendre ça. Première chose, donc c'est l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle en frontières extérieures de l'Union européenne. Et c'est Frontex numéro 1. Maintenant, on en est à Frontex numéro 2. Comme ça, ou Frontex 2.0. Je vais vous dire pourquoi il y a un 1 et il y a un 2. Donc, on va d'abord commencer par le 1. Donc, Frontex naît en 2004 sur le papier et commence à être opérationnel en 2005. Donc, elle commence à avoir un budget en 2005. Un budget à l'époque de 6,3 millions d'euros. Vous savez quel est le budget de Frontex pour maintenant ? C'est des milliards. En fait, donc son budget a été constamment augmenté depuis 2005, avec une accélération à partir de 2015, et tout ce qu'on a appelé la crise migratoire. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, le budget de Frontex pour la période 2021-2027, pour ces années en plein temps, c'est 5,6 milliards d'euros. Okay, ça fait à peu près 800 millions par année, mais j'ai divisé ça en règle de 3, mais c'est à peu près ça. Donc on est passé de 6,3 millions d'euros à 800 millions d'euros. Il n'y a aucune autre agence européenne, il y a beaucoup d'agences européennes, il y en a une quarantaine. Aucune n'a vu son budget exploser de cette façon-là, et alors aucune. Et ça veut dire quelque chose, c'est que c'est aujourd'hui l'agence qui a le plus gros budget de toute l'Union européenne. Et ça veut dire que la politique européenne, elle mise tout sur ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique européenne, aussi complexe soit-elle, elle tient principalement parce qu'il y a cette politique migratoire qui se délite et qui ne va pas la faire tenir. Mais c'est ça aujourd'hui qui fait tenir l'Union européenne ensemble. Et on le sent d'ailleurs, ça donne des tensions que l'on sent très fort dans l'actualité très très souvent. Donc le siège de Frontex n'est pas ici, il est à Varsovie, en Pologne. Et vous savez qui est son directeur ? Qui dirige Frontex ? Dieu. Ouais. C'est un Français, un gars qui est issu de la diplomatie française. C'est le deuxième directeur de Frontex. Le premier était finlandais, c'était un ex-militaire de Kharkiv. Voilà. Donc, Fabrice Leggeri, vous avez peut-être entendu son nom, c'est parce que son nom est dans l'actualité, vu les ennuis qu'a Frontex depuis un an et demi, deux ans, concernant à la fois ce qu'elle fait sur le terrain en termes de violation des droits humains, en laissant les refoulements et en favorisant les refoulements aux frontières extérieures de l'Union européenne, en Tunis, voir ce qu'elle fait en Libye, etc. Ça, c'est une chose en Hongrie, voilà. Mais à la fois aussi parce qu'elle a des problèmes de gestion financière importante, et aussi parce qu'il y a des problèmes de transparence, et parce que l'Algérie a refusé d'implémenter une obligation qui lui était faite par la Commission européenne, qui était celle d'avoir un bureau qui regroupe une quarantaine de personnes qui sont censées faire de la surveillance de la façon dont Frontex gère les violations des droits humains. Et donc c'est un bureau de surveillance qui fait partie de l'agence Frontex, mais qui a son indépendance. Donc il doit fonctionner indépendamment de Frontex, mais c'est 40 personnes qui devaient être recrutées et qui n'ont pas été pendant plus de 2 ans. Et ce qui s'est passé cette année, c'est que le Parlement européen a refusé de voter cette décharge du budget de Frontex pendant 2 fois. Ils l'ont voté il y a 15 jours, finalement, avec un avertissement particulier pour Frontex, qui est de dire qu'on retient quand même une partie du budget de l'année 2021, donc vous n'allez pas avoir tout le budget dont vous avez besoin pour l'année 2021, et on verra comment les choses se passent. Si ça, la gestion se passe bien, alors on vous laissera le petit morceau que vous a enlevé. Si la gestion ne se passe pas bien, si vous n'implémentez pas les 40 personnes dont vous avez besoin pour gérer la question des violations des droits humains, par exemple, si ce n'est pas fait, eh bien, à ce moment-là, ce morceau de budget-là, vous ne rendez pas. Ceci dit, le morceau de budget, il est vraiment, c'est 15% du budget de Frontex et 15% d'un budget de 800 millions d'euros. D'accord ? Donc Frontex ne va pas arrêter de fonctionner quoi qu'il arrive. Ça, c'est certain. Alors, Frontex numéro 1, c'était les États membres restent maîtres de leurs frontières. Ça, c'était extrêmement important. Il n'y avait pas de délégation de souveraineté. Il fallait harmoniser les frontières de l'Union européenne. Et ça, c'était vraiment la grande mission de Frontex. et faciliter la coopération entre les différentes autorités européennes pour la question de la surveillance des frontières, on s'entend. Coordonner le déploiement des avions, des bateaux et du personnel si besoin. Faire des opérations maritimes et faire ce qu'on appelait des vols retour Frontex, des vols militarisés. Donc c'est comme chaque pays membre de l'Union européenne expulse des gens dont il pense, dont il a estimé qu'ils n'avaient pas le droit de rester sur son sol. Ce sont les expulsions telles qu'on les connaît dans des avions de ligne classiques. Et puis Frontex organise des retours groupés où ils vont chercher des gens qui viennent d'un même, qui doivent être envoyés vers une même région ou un même pays. Et ils vont chercher, ils font des arrêts dans plusieurs pays européens, ça peut être en Belgique, en France, en Espagne, enfin, peu importe. Et ils renvoient ces gens dans un avion. Et ça, c'est pas un avion de ligne, c'est un avion qui est c'est un vol militarisé, vraiment. Et c'est pas, y a pas d'observateurs, il n'y a pas de civils, non, c'est juste des militaires, ils sont armés. Donc c'est très particulier, très très particulier. Donc ça c'était Frontex numéro 1. Et Frontex numéro 1 n'avait pas de personnel à elle. Donc cette agence n'avait du personnel qui lui était prêté par les États membres de l'Union européenne, ainsi que le matériel qu'elle devait utiliser. Donc il n'y avait pas de matériel à elle. Voilà. Okay. Et puis il y a eu la crise migratoire, alors je mets toujours des guillemets parce que c'est très relatif, mais il y a eu ces années 2014, 2015, 2016, les arrivées se sont succédées et les naufrages se sont succédés, notamment à Lampedusa, il y en a eu quelques-uns, c'est pas les seuls, mais il y en a eu quelques-uns qui ont fait à ce moment-là la une de l'actualité, et où l'Union européenne a décidé de renforcer l'agence Frontex en lui donnant plus de pouvoir. Et là on est arrivé à ce qui s'appelle ce qu'ils ont appelé l'Agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes européens. EBCG, ça s'appelait comme ça. La presse à l'époque l'a renommé Frontex 2.0. Bon, et puis finalement, ça restait Frontex. On dit que dans les faits, maintenant, aujourd'hui, tout le monde utilise le mot Frontex pour continuer à utiliser. Mais Frontex 2.0, c'est la même agence, mais avec beaucoup plus de pouvoir, avec un budget évidemment qui va avec, mais beaucoup plus de pouvoir. Maintenant, Frontex 2.0 peut superviser la capacité de sécurisation des frontières des États membres. Donc elle a son rôle, elle peut regarder si les États membres qui ont des frontières extérieures de l'Union européenne font bien leur job, voilà, ou pas. Et s'ils ne le font pas, elle a le pouvoir d'imposer des mesures à ces États membres pour que les frontières extérieures soient mieux protégées. Elle peut intervenir directement sans consentement des États membres sur décision du Conseil européen, c'est important aussi. Elle peut acheter son propre équipement, elle a déjà son propre personnel. On parle de 10 000 personnes qu'elle va pouvoir employer. Elle en a pour le moment formé 2 000, donc il y a 2 000 gardes frontières et gardes côtes européens qui sont opérationnels et certains sont effectivement sur le terrain. Les 2 000 ne le sont pas encore, mais c'est pour bientôt. Elle peut avoir une participation directe au management des activités en recherche et innovation. Et ça, je vous en parlerai plus loin dans le lobby tour. Mais ça veut dire aussi quelque chose en termes de lobbying, je vous le rappellerai. Elle peut coopérer de façon plus facile, avec les pays tiers de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne a des accords de coopération avec un certain nombre de pays tiers, pays hors de l'Union européenne. Ces accords de coopération, pour ce qui concerne la migration, c'est du style, si vous voulez qu'on continue à donner des visas aux gens qui viennent de tel pays tiers, alors ce pays tiers doit accepter de reprendre les personnes qui arrivent illégalement, j'utilise les guillemets, sur le sol européen et qu'on puisse les renvoyer. Si le pays tiers refuse de reprendre ses ressortissants, on ne sait pas les renvoyer. Or ça, c'est une façon de forcer les choses, c'est-à-dire, si vous voulez encore avoir des visas pour que les gens qui viennent travailler de chez vous jusqu'à l'Union européenne puissent venir, il va falloir accepter ça. Et ce n'est qu'une partie. C'est aussi accepter d'avoir de l'aide européenne pour renforcer leurs frontières, en termes de matériel, en termes de formation. C'est ce qu'on a fait en Libye d'ailleurs. C'est exactement ça qu'on a fait en Libye. Donc il n'y a pas Frontex qui n'a pas de personnel en Libye. Oui, mais voilà. Dire au point où on en est, mais non, Frontex n'a pas de personnel en Libye. Par contre, elle a formé, et elle forme encore, elle continue à faire former les soi-disant gardes-côtes libyens qui ont de gardes-côtes que le nom, elle favorise les contrats d'équipement qui sont censés être équipés pour faire soi-disant du sauvetage, qui sont en fait juste faire pullback, en fait. J'ai juste allé récupérer les gens qui arrivent à quitter les migrants, comme les empêcher de monter, les récupérer ceux qui sont déjà partis. Voilà. Alors, quoi encore? Oui, et donc son personnel est autorisé à utiliser la force et peut être armé. Alors, peut être armé, il faut mettre des conditions, parce que dans les textes, dans le texte qui crée le PCG, donc Frontex 2.0, effectivement, le personnel de Frontex peut être armé. Mais il y a quand même un mais dans l'histoire, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour ça, à la fois pour qu'il soit, qu'on puisse être armé, mais en plus pour qu'il puisse utiliser la force, qu'il puisse utiliser leur arme. Il faut notamment que ce soit accepté par l'État membre dans lequel les officiers Frontex travaillent. Donc s'ils bossent en Grèce, il faut que la Grèce, il faut qu'ils se plient aux lois grecques en la matière. Ça c'est une chose. Ils ne doivent pas contrevenir au droit européen, ça c'est une autre chose. Donc c'est pas si facile que ça. Et en fait, pour le moment, ils peuvent être armés mais ils ne le sont pas, tout simplement parce qu'il y a un problème en termes de conformité par rapport à ces lois, et notamment en Allemagne. Il y a énormément de personnel de Frontex qui vient d'Allemagne. Il n'y a pas de personnel de Frontex qui vient de Belgique. Il n'y en a pas. La Belgique n'a jamais prêté son personnel à Frontex, même quand Frontex l'a demandé précisément. La Belgique a toujours dit non, nous on n'a pas ce genre de personnes formées pour ça. Mais nous on peut faire du contrôle pour les personnes qui demandent l'asile, par exemple. Ça, si vous avez besoin, on peut faire administrativement, on peut aider. Mais ils n'ont jamais envoyé personne participer à l'agence de Frontex. Mais par contre, l'Allemagne le fait très très régulièrement, la Hongrie le fait aussi. Okay. Donc les deux, c'est important de voir les différences entre les deux Frontex, et donc le Frontex 2 maintenant est beaucoup plus puissant, qu'il y a beaucoup plus de pouvoir et de possibilités d'agir que ce qu'appelle Frontex. Freedom, I don't need them, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key into life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Give it in and in the day, say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We're representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. En fait, et il y avait une grande vitrine, elle était marquée BAE Systems. C'était très pratique pour moi. Mais ils ont changé d'endroit, ils sont maintenant rue de la Presse, donc ils sont un peu plus loin. C'est un peu plus loin pour nous aller, donc on ne va pas jusque là. Mais par contre, on a l'ambassade du Royaume-Uni qui est juste là. Donc ça me donne l'occasion de m'arrêter et de vous parler de BAE Systems. Et donc BAE Systems, donc, c'est cette énorme entreprise d'armement du Royaume-Uni. C'est le premier fabricant d'armes en Europe et en Grande-Bretagne, le troisième mondial. Un chiffre d'affaires qui provient à 95% du secteur de l'armement, avec un catalogue de fusils d'assaut, de revolvers, de missiles, de tanks, de véhicules blindés, de drones, de bateaux de guerre, de sous-marins nucléaires, de systèmes de radar, de menottes, enfin presque du plus petit au plus grand. Oui, c'est ça, je veux dire tout y est. C'est 88 000 employés sur 5 continents, dont 33 000 au Royaume-Uni. Et cette entreprise soutient indirectement 82 000 jobs. Okay. Et ça, c'est évidemment un truc extrêmement important qui la rend intouchable. Parce que BAE Systems, si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissiez son nom vous disait quelque chose. Moi, il me disait quelque chose, en dehors du lobbytour en lui-même, pour la question de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Vous savez que la Federstal joue un rôle particulier, CMI aussi, qui sont deux entreprises belges qui vendent des armes à l'Arabie Saoudite et qui sont impliquées dans la question des armes qui sont ensuite utilisées dans le conflit au Yémen, illégalement. Vous savez qu'il y a des procès, voilà. Mais BAE Systems fait exactement la même chose au Royaume-Uni. Et à une échelle, en termes de contrat, qui est encore bien au-dessus de la nôtre. Ce qui n'excuse pas ce qu'on fait. Voilà. Mais simplement, je veux dire que c'est un niveau largement au-dessus en termes de contrat. Et donc, BAE Systems a exactement les mêmes problèmes que la Federstal et que CMI en termes illégaux pour le moment. Et plusieurs fois déjà, les différentes cours de justice ont fait arrêter la vente, ont cassé certains contrats. Mais le Royaume-Uni refuse de demander quoi que ce soit à BAE Systems parce qu'ils savent très bien que BAE Systems va dire oui, d'accord, pas de souci, nous on peut aller produire ailleurs, il n'y a pas de problème. Il y a environ 100 000 jobs qui dépendent de nous indirectement, plus 80 000 qui dépendent de nous ailleurs, on peut aller produire ailleurs, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème avec ça. Et donc aucun Premier ministre anglais, de quelque parti qu'il soit, n'a jamais essayé d'arbitrer quoi que ce soit en ce qui concerne les systèmes. Et donc, un de mes grands regrets, c'est qu'il n'y ait pas eu ce travailliste qui a été élu dernièrement, parce que lui est un pacifiste depuis très longtemps et que j'aurais aimé savoir s'il allait finalement s'en occuper ou pas. Nous ne le saurons jamais, donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est très dommage. Et donc, BAE Systems a un certain nombre de contrats. Donc même le fait que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne, les contrats qui ont commencé sont toujours valables et on n'a pas coupé les ponts avec le Royaume-Uni. En fait, tout ce qui est business, là-bas, les ponts n'ont pas été coupés. On ne peut pas se faire d'illusions là-dessus. Ça a été négocié, c'est tout aussi, et l'armement a plutôt été bien négocié. Donc elle a des contrats, par exemple, pour un programme qui s'appelle Oparus. L'idée, c'est faciliter le fonctionnement des plateformes de surveillance des frontières terrestres et maritimes sans pilote. C'est encore une fois un système de type drone. L'Union européenne finance le programme à hauteur de 1 400 000 euros, dont 65 000 euros vont pour BAE Systems, dont Airbus va avoir à peu près 300 000 euros et Thales à peu près la même chose. Donc ça pour vous dire qu'on se partage le gâteau. Alors, ça c'est le programme Oparus. Il y a un autre programme qui s'appelle Perseus, je suis désolée, mais je ne choisis pas le nom de ces programmes, qui lui s'occupe de la protection des mers et des frontières européennes par l'utilisation intelligente de la surveillance. L'Union européenne va le financer à hauteur de 12 973 000 euros et c'est un contrat obtenu par BAE Systems. Un autre programme qui s'appelle Civilia, donc ils ont tous des noms, qui est la surveillance des frontières maritimes, pour lequel l'Union européenne donne à peu près 10 millions d'euros, dont 500 000 iront pour un contrat spécifique à BAE Systems. Je n'ai pas listé l'entièreté des programmes de toutes les entreprises d'armement. Tout est disponible, en réalité, sur le site internet de la DG Entreprise, pour s'arrêter là plus loin. Et donc, tout est disponible. C'est-à-dire que ce sont des programmes qui sont faits pour une période de 7 ans, avec une enveloppe défini pour une période de 7 ans. On distribue au fur et à mesure des dossiers sur une période de 7 ans. Et au fur et à mesure, vous pouvez suivre l'évolution, savoir quelle entreprise et quel secteur a eu quel contrat. Et donc, ça a du sens à la fin des 7 ans de faire le bilan et de regarder, voilà, de faire un espèce de pourcentage. Et on voit qu'effectivement, les entreprises d'armement européennes sont effectivement les noms les plus connus. Donc Thales, Leonardo, BAE Systèmes en fait toujours partie. Il y en a quelques-unes d'autres. Mais les 5-6 plus grosses se partagent la majorité du gâteau. La réalité des choses. Mais c'est ce type de, quand on parle de relations entre les entreprises d'armement et la question de la migration, de la politique migratoire européenne, c'est de ça qu'on parle, hein. C'est de contrats de ce type-là. Et donc, évidemment, ces entreprises d'armement, elles n'ont pas du tout intérêt à ce que la politique migratoire européenne change. Mais il faudrait quand même un moment se demander, quand on dépense autant d'argent pour surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne et qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'y arrive pas, parce que depuis 2000, en 2015, quelqu'un avait fait le calcul, il disait entre 2000 et 2015, l'Union européenne a dépensé 11 milliards pour surveiller ses frontières extérieures. Ok, 11 milliards. Et on n'y est toujours pas. Et on continue à dépenser toujours plus et on continue à financer Frontex toujours plus. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut réfléchir et se dire que ça ne marche pas? Leur système de surveillance, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on n'arrête pas la migration, tout simplement. Enfin, je veux dire, on peut mettre des systèmes de surveillance tant que vous voulez. Voilà. C'est un effet de politique qui ne s'arrêtera pas. Mais le fait qu'il n'y ait pas de réflexion là-dessus, c'est aussi parce que ces entreprises d'armement qui gagnent de l'argent, c'est l'Union européenne qui gagne de l'argent, c'est l'économie européenne qui gagne de l'argent. Et donc le calcul européen, c'est ça, c'est oui, on dépense de l'argent, ça coûte cher, ok, mais en même temps, on fait tourner l'économie européenne. Et donc c'est un peu un cercle qu'on n'arrive jamais à briser, parce que finalement, tant qu'il y a de l'intérêt économique, on s'en fout un peu de savoir si finalement ils arrivent ou s'ils n'arrivent pas, ou dans quel état ils arrivent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on s'en fout, mais l'économie tourne. Tant qu'on ne sort pas de ce cycle-là, on n'aura jamais une réflexion correcte sur la politique migratoire européenne. C'est impossible. On continue ? On a déjà parlé de Frontex, donc on va recommencer, mais c'est juste pour vous dire que le bureau de Frontex, ici à Bruxelles, il est ici, en fait. Et donc vous ne trouverez pas non plus la plaque Frontex dessus, mais effectivement, on sait maintenant qu'il y a un certain nombre de bureaux de liaison dans pas dans tous les pays européens, mais Frontex a donc un certain nombre de bureaux de liaison. Honnêtement, j'ai cherché pendant 15 ans où était Frontex ici à Bruxelles, et il n'y avait pas moyen, l'info n'existait pas. Je pense qu'ils n'avaient pas de bureau officiel à l'époque. Je pense que ça doit faire 2-3 ans à peu près qu'ils doivent être là, pas beaucoup plus. Donc voilà. Et ils n'aiment pas beaucoup qu'on vienne les embêter, parce que Jerry a déjà dit qu'il y avait une campagne de hate speech contre Frontex. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a eu une action ici, donc il y a eu le lancement de la campagne Abolish Frontex, duquel Girpol avait fait partie avec beaucoup d'autres organisations européennes. Et donc, il y a eu une action directe ici, il y a eu de la peinture, il y a eu des affiches. Et l'Algérie n'a pas apprécié du tout, mais alors du tout. Et il a envoyé un mail à la Commission européenne en disant « ça, c'est le résultat de votre campagne de hate speech contre nous ». Le hate speech, c'est quand même, il faut savoir que c'est vraiment un vocabulaire qu'on utilise en général pour désigner l'extrême droite. Hein. Donc c'est très particulier qu'il ait utilisé ce vocabulaire-là. Et donc il rassure, alors c'est rigolo dans ce mail, il rassure ses employés en disant « on va être fort ensemble, rassurez-vous, tout va bien ». Enfin voilà, on parle d'une agence européenne qui a un budget de 800 millions, qui laisse mourir les gens aux frontières de l'Union européenne, et il s'inquiète parce qu'il a une action directe où il a un peu de peinture rouge sur son trottoir. C'était assez rigolo. Mais son discours était en l'occurrence très très dur, et il en voulait beaucoup à la Commission européenne. Et ça c'est intéressant, parce que la Commission européenne est censée soutenir Frontex, et la Commission européenne a un peu de mal. La commissaire européenne, elle a un peu de mal, elle est suédoise, elle a un peu de mal avec les accusations de Frontex par rapport au refoulement, etc. Et donc elle doit à la fois soutenir l'agence européenne et en même temps elle doit aussi leur taper sur les doigts un petit peu, ce qu'elle fait. Et donc du coup l'Algérie n'aime pas, parce que jusque là il n'avait pas beaucoup d'opposition, il a pu fonctionner en roue libre pendant des années, et maintenant il a une petite opposition dans la commission, et donc ça ne lui plaît pas. Voilà. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Il y avait des gardes-côtes qui faisaient leur travail de gardes-côtes, c'était tout. Mais ici, il y a eu l'Italie, vers 2015, vu qu'il y avait un nombre très important de traversées et qu'il y avait beaucoup de naufrages, beaucoup de morts, l'Italie a décidé que c'était de sa responsabilité d'effectuer ses missions de sauvetage. Et donc ça coûtait 56 millions d'euros pour 6 mois. C'est ce que ça coûtait à l'Italie, donc un peu plus de 100 millions pour une année. Donc l'Italie l'a fait pendant un an et puis elle a dit à l'Europe, nous on ne peut plus, en fait, financièrement, on n'a plus la capacité financière de suivre ça, on ne peut plus le faire. Et donc l'Europe a pris le relais et elle a confié cette mission à Frontex. Et donc Frontex était supposé sauver des vies. Sauf que dans la réalité des choses, s'il fallait près de 60 millions, 56 millions pour 6 mois pour faire fonctionner la mission italienne, il fallait 18 millions pour 6 mois pour faire fonctionner la mission de Frontex. Et donc, dans les faits, ça ne pouvait pas fonctionner. Frontex de sauver des vies, oui, mais très peu, par rapport au nombre. Parce qu'il était moins efficace, parce qu'on lui donnait moins d'argent, ça ne pouvait pas fonctionner. Ce n'était pas le but du jeu, on ne lui demandait pas, en fait, ça. On voulait juste qu'il empêche les gens de... Et donc, petit à petit, l'Union européenne a enlevé ses missions. Donc, elle les a arrêtées, toutes. Maintenant, il n'y en a plus aucune. Il n'y a plus que les missions privées. Donc, il n'y a plus que la société civile qui fait du sauvetage en Méditerranée. Et que fait l'Union européenne ? Elle a essayé... Donc, l'Italie, au moment où Salvini était ministre de l'Intérieur, évidemment, c'était particulier. Lui a essayé de les interdire. Il a poursuivi un certain nombre de personnes et d'ONG, tout ça. Pour le moment, toutes ces instructions sont en train d'être clôturées sans procès. Ils ne seront sans doute pas poursuivis du tout pour personne. Mais en attendant, maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Italie bloque administrativement les bateaux. Donc en fait, quand les bateaux ils font leur mission, ils ramènent des gens, il faut qu'ils attendent parfois une semaine, parfois 10 jours avant de pouvoir débarquer les gens dans un port sûr, c'est-à-dire en gros en Italie ou à Malte. Et Malte ne veut plus prendre personne depuis la crise Covid. Ça fait pratiquement 2 ans que Malte ne prend plus aucun débarquement chez elle. Donc il n'y a plus que l'Italie, et donc l'Italie est toute seule pour essayer de gérer ces gens qu'elle doit mettre sur des bateaux de quarantaine pour le Covid. Et donc ces bateaux, ils sont pas, il n'y en a pas 1 million. Quoi. Donc ça explique pourquoi ça met du temps. Donc ils font 1 semaine à 10 jours avant que les bateaux puissent pouvoir débarquer leurs personnes. Et quand ils le font, ils sont à quai, ils sont en quarantaine pendant 14 jours. Et au bout des 14 jours, ils ont une mission d'inspection des gardes-côtes italiens qui vient compter le nombre de gilets de sauvetage qu'ils ont à bord, s'ils ont une bonne évacuation des eaux, s'ils ont assez de toilettes, si leur situation administrative est bonne, c'est-à-dire s'ils sont déclarés comme bateaux de sauvetage ou pas, et qui en général les bloquent administrativement pendant une période relativement longue parce qu'ils n'ont pas assez de gilets de sauvetage ou parce qu'ils en ont trop. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, voilà. Et donc ça se termine au tribunal où l'ONG est obligée de payer un avocat pour aller au tribunal, pour contester le truc. Elle gagne et ça prend des mois. Et pendant des mois, ben, le bateau reste à quai. C'est ça qui se passe. Voilà comment les choses se passent pour le moment. Parce qu'il n'y a pas d'accord européen pour régler quoi que ce soit. Donc c'est ainsi que les choses se passent. C'est pas comme ça que doit se passer, mais voilà. Et donc pour le moment, c'est l'Italie qui doit gérer ça. Et ils donnent l'argent à Libye pour l'Union européenne le fait pour refouler. L'Italie le fait aussi. Hein. L'Italie, en tant que pays, a des accords particuliers avec la Libye sur ces questions-là. Beaucoup d'argent. L'Union européenne donne beaucoup d'argent. Et donc sa responsabilité en termes des refoulements qui sont en Libye, qui se passent en Libye, elle est non pas dans les gardes Frontex qui sont en Libye, parce qu'ils n'y sont pas, ils ne sont pas sur le sol libyen, mais elle est dans les formations, dans le fait que l'Union européenne a accepté, elle a, pire que ça, elle a poussé la Libye à avoir un RCC, c'est-à-dire un poste de commande. Donc la Libye, à un moment donné, déclarait, voilà, dans ces eaux-là, dans tel périmètre de ces eaux-là exactement, nous sommes responsables de coordonner les sauvetages. Et on appelle ça, ce sont des postes qu'on appelle des MRCC. Malte en a un, l'Italie en a un, il y en a plusieurs même. Enfin voilà, c'est normal d'en avoir. Mais la Libye n'était pas supposée en avoir un. Elle l'a déclaré, on ne peut pas l'empêcher de le déclarer. Mais elle n'est pas équipée pour pouvoir faire ça. Et donc ils ne répondent pas au téléphone, ces gens. Ou ils ne parlent pas anglais. Et donc vous avez les ONG qui téléphonent. Parfois, ils n'ont pas le choix en disant, voilà, il y a un naufrage, il faut de l'aide. Et parfois, on ne leur répond pas. Ou parfois, on leur répond en arabe. Qu'est-ce qu'on fait ? Et l'Europe sait que ça fonctionne comme ça et continue de dire, quand les bateaux téléphonent en Italie ou à Malte en disant on a besoin de secours maintenant, l'Italie et Malte disent adressez-vous à la Libye, nous n'avons pas la responsabilité. responsabilité de coordonner les sauvetages pour eux. Alors qu'on sait ce qui se passe quand, quand c'est la Libye qui le fait, quoi. Quand elle le fait. Quand elle le fait. C'est ça, la réalité. Et donc ça aussi, ça fait partie du jeu, hein, du jeu politique, où tout le monde sait que les choses se passent comme ça. Et on continue à les laisser se passer comme ça. Parce qu'il y a trop de gens qui partent, qui arrivent à partir par la Libye. C'est ça la réalité. Il y a trop de gens par rapport à ce que l'Union Européenne aimerait. Donc, pour le moment, c'est la route migratoire principale. Und was ich eigentlich meine, es liegt no one behind und nicht deine Langeweile. Nerv mich nicht mit deinen Luxusproblemen. Man braucht erst mein Zuhause und kann dann in Quarantäne. Alle Grenzen sind jetzt dicht auf diesem Planet. Und sich abgrenzen zu können, ist ein Privileg. Ja, Solidarität international und nicht Europas Außengrenzen als Massengrab. Virus, miroir, sinistre, trop d'une société malade, des pandémies capitalistes. Quel prix à une vie, à la crise climatique. Quand on ferme des frontières pour des intérêts économiques, on parle des solidarités. Mais pour nous, pas pour eux, la quarantaine nous manifeste que le triage est déjà fait. Pour combattre les symptômes, on ignore le problème contaminé par la peur, overdose de nous-mêmes. Αυγή δρόμη, ζωή σε καραντίνα. Πλασάρουν ασφάλεια, βιτρίνα με στολή. Χάνονται αόρατες ζωές από την άλλη σε κελί. Και δεν μετράνε σε καμία στατιστική. Αγωνό καταστολή και ξεπούλημα της υγείας. Τώρα το χρεώνουν ευθύνη ατομική. Μέτρα ραμμένα για μια στην κοινωνία που τη θένε ανελεύθερη και υποτακτική. USA, somos τη χαρτέρα και ραπάμος. Somos τη λοδε τεχίδο, νούκα. Απαγάρα nuestro fuego, entre dolor y lágrima seguimos resistiendo. So, il faut qu'on soit tous unis. Oui, à bas les frontières, les états. Ja, nous font pas de charité, et la solidarité. So, il faut qu'on soit tous unis. Oui, antinational. Ja, nous font pas de charité, mais la solidarité. It's like a slave train. Moving fast like a bullet train. Don't trap, trap like a mice in the cage. Image and moya too will not be tamed. No survival, working class stand tall. Corporations sucking money and they're getting more. There's a call on the street, it's a war zone. Military brutalized my people. The revolution will survive, power to the people. I raise my fist up, fighting for my people. Step out, gun, shot, bullets. I trigger to kill us. I trigger to kill us. I trigger to kill us. Bullets. I trigger to kill us. Bullets. What? Humans in this city got to know their status. Sat in tomb, standing still. They are cold like statues. Proper minds, thin lines. Lose on life, walking by us. Drones patrol the sky. Drones patrol the sky. Fuerza, somos hija de la tierra. Vamos, somos hilo del tejido. Nunca apagará nuestro fuego. Entre dolor y lágrimas seguimos resistiendo. So, il faut qu'on soit tous unis. Oui. Avant les frontières, les états. Ja, nous font pas de charité, mais la solidarité. So, il faut qu'on soit tous unis. Oui. Antinational. Ja, nous font pas de charité, mais la solidarité. Es ist privatisiert und Jahrzehnte gespart. Und jetzt wollt ihr klatschen für die Pflegekraft. Ihr redet von Solidarität im Land. Doch wer regelte mit Peterarzt im Regelbedarf? Sterbende Menschen an Grenzen mit Stacheldraht. Deine Upper Class aufgebaut auf einem Massengrab. Ich bin nicht immun gegen die Krise, doch voll Tatendrang. Für Gegenmacht weltweit in der Nachbarschaft. La solidaridad se ramificó en continentes. El capitalismo ataca sin precedentes. Hacen de la piel negocio de su gente. Egoísmo falacia, la rabia es permanente. Pero olvidaron que las almas no tienen fronteras. We ran down the public health system, privatized all services. My people are aware it's not in the capitalism, the crisis. It's a system of billionaires, breeding conditions of starvation, sickness and anger. They say it's a lockdown, we call it a knockdown. Cause clearly they don't care, working class livelihoods vanishing into thin air. We declare revolution here and there. So, il faut qu'on soit tous unis. Avant les frontières, les états. Nous font pas de charité, mais la solidarité. So, il faut qu'on soit tous unis. Antinational. Nous font pas de charité, mais la solidarité. So, il faut qu'on soit tous unis. Avant les frontières, les états. Nous font pas de charité, mais la solidarité. So, il faut qu'on soit tous unis. Antinational. Nous font pas de charité, mais la solidarité. Thank you. Ben voilà, bon, juste pour préciser, non, ce lobby tour, ça marche, c'est quand même des endroits où il y a moins bruyante. Ben, on a juste pris le début de lobby tour qui se passe au rond-point Schumann, et donc là, il n'est vraiment pas facile d'enregistrer. Et à la fin, c'était Parlement européen avec plein de skateurs et du bruit autour. Bon, bref, on va essayer de faire mieux la prochaine fois avec d'autres matériels et un plus grand perche pour avoir mieux le son de ce lobby tour, parce que vraiment, il est super intéressant. Mais c'est vrai qu'on en vient de dire aussi pendant qu'on écoute que c'est quand même incroyable que c'est vraiment sur le dos des gens et que c'est vraiment le commerce des armes qui intéresse le capitalisme et tout ça, et qu'ils s'en foutent complètement pour légitimiser leur cause et pour vendre leurs armes. Voilà, c'est sur le dos des migrants. On va passer maintenant encore à l'agenda de militante de Indie Media avec Nicole pour terminer l'émission. Alors, le vendredi 17 à 16h à l'Adhésif, rue de Liedekerk 71 à Saint-Josse, soirée Pimp ton Noël avec l'atelier clandestin de sérigraphie. Donc on vous demande d'amener des vêtements, pulls, t-shirts ou tout autre support. Et l'impression est cette année en soutien aux condamnés du procès de la destruction de la maquette de la maxi-prison de Arne. Voilà. Pour le samedi 18, donc, c'est ce dont nous avons parlé pendant toute l'émission. Donc à 13h30, vous avez le rassemblement Rond-Point Schumann, rassemblement Abolish Frontex. Puis à 16h au Mont des Arts, rassemblement organisé par le collectif Zone Neutre Occupation KBC et Coordination des Sans-Papiers de Belgique et lancement de la campagne In My Name. Donc le rassemblement du Rond-Point Schumann retrouvera le rassemblement au Mont des Arts par la suite. Voilà. Alors lundi 20 à 14h30 jusqu'à 17h30, il y a une permanence squat au Burtwinkel, 13 place Annessens à 1000 Bruxelles. Alors c'est une réponse à toutes vos questions, un moment de rencontre et de partage d'expériences et d'outils pratiques et juridiques d'occupation, s'adressant en priorité aux personnes mal logées et sans logis. Et à 17h le même jour, donc le lundi 20 décembre, il y aura un rassemblement de soutien à Julian Assange, qui est assez important cette fois-ci parce que la justice britannique a décidé de son extradition. Alors, le mardi 21 à 19h30 au DK, il y aura la présentation d'un film, d'un documentaire sur Sakine Kansis, nom de code Sarah. Alors, c'est la cofondatrice du PKK et figure emblématique du mouvement des femmes du Kurdistan. Et à travers les récits de ses camarades, des extraits de son autobiographie et des vidéos d'archives, le film raconte le parcours de cette militante qui a combattu dans la guérilla contre l'armée turque, tint tête à ses geôliers quand elle était emprisonnée et torturée, et inspira l'organisation autonome des femmes au sein de son organisation et au-delà de celle-ci. Alors, avec deux autres femmes politiques kurdes, Sarah fut assassinée en plein Paris le 9 janvier 2013 par un agent des services secrets turcs. Et jusqu'à aujourd'hui, la justice française refuse d'investiguer les liens entre cet assassinat et l'État turc. Et par cet événement, nous voulons informer sur ce triple féminicide et appeler à l'action pour demander justice pour Sakine, Fidan et Leila. Et comme chaque année, début janvier, une grande manifestation aura lieu le 8 janvier 2022 à Paris. Alors donc ça se passe au DK, le DK se situe rue du Danemark 70B à Saint-Gilles et c'est à partir de 19h30. Voilà pour l'agenda. J'ai juste une annonce à faire parce que mon compagnon Axel m'a demandé de parler de la première indépendance de l'Irlande, de l'État libre d'Irlande, et c'est ce qui a été décrété à la suite d'une guerre d'indépendance irlandaise qui s'est déroulée de 1919 à 1921 et qui a opposé des milices irlandaises revendiquant l'indépendance de l'Irlande à l'armée britannique qui occupait le sol irlandais. terriblement meurtrière. Cette guerre permit toutefois aux Irlandais de remporter une première victoire dans la création d'un État libre d'Irlande avec la signature d'un traité anglo-irlandais qui s'appelle le Traité de Londres le 6 décembre 1921, donc il y a 100 ans. Alors, l'Irlande, amputée de six comtés de l'Ulster, devient un dominion, c'est-à-dire un État indépendant, membre de l'Empire britannique, au sein de l'Empire britannique, et qui se dotera d'une constitution en 1922. Mais une guerre civile débuta opposant l'armée nationale d'Irlande, qui est l'INA, en faveur du traité, à l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, anti-traité, et qui marqua le début d'une division au sein d'un peuple qui se faisait autrefois qu'un. Donc il faudra attendre 1937 pour que l'Irlande, l'air en gaélique, devienne totalement indépendante. On vous recommande donc de regarder, si vous voulez plus d'informations, un documentaire sur la révolution irlandaise qui est passé sur arte.tv. La prochaine émission sera la distro la punaute. Non, on a la Colombie d'abord. Oui. Ouh là là, il y a encore. Il y a la Colombie. Oui, il y a 5 émissions ce mois-ci. Donc il y a notre ami Jonathan qui va venir nous parler de la Colombie, ouais, suite à un voyage qu'il a fait encore là-bas. Et c'est notre dernière émission pour l'année 2021. De Tranche d'un art, oui. On vous souhaitera tous les bons voeux pour l'année prochaine. Oui. Et donc Jonathan nous parlera des manifestations, des luttes en Colombie avec des interviews qu'il a fait sur place pendant cet été 2021. Et à la fin de l'année, quand même, après Transgenre, il y a encore la distro La Pinothèque le 29 décembre. Donc voilà, on va jusqu'au bout. Merci. Salut. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transgenre. De Transgenre. De Transgenre.